Entrée sans payer, l'émission mensuelle sur la gratuité et la culture libre. Et ça se passe où ? Radio Balade 101.8. Magasin gratuit. Je prends ce que je veux et c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. C'est gratuit. Toc toc toc. Entrée sans payer. C'est parti pour une émission d'une heure entièrement consacrée à la gratuité et à la culture libre. Aujourd'hui, on va parler, on va aborder deux sujets. D'une part, le sujet de la nourriture gratuite. Donc, d'une manière plus générale, le fait de se nourrir gratuitement. Et on va aussi parler des étincelles. Donc, nous serons 4 ou peut-être 5 même pour en parler. Fred, ici présent. Laure, à distance, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. Super. Et donc moi-même, est-ce que Gabriel est présent aussi ? Ah oui, Gabriel est par là. Non, très bien. On va voir si s'il a envie d'intervenir. Et donc la petite Soleil, donc mon bébé de 2 ans dans les bras, voilà. Donc il va peut-être faire quelques interventions par moment. Voilà, donc tout le monde est prévenu. Voilà. Ah, donc je vais juste essayer de mettre le haut-parleur et voir si ça nuit à l'écoute ou pas. Vous me direz ? Ouais, on t'attend. D'accord, voilà, là j'ai mis le haut-parleur pour monter. Ouais, allô, Laure ? Ouais. Ah non, c'est moins bien. D'accord, bon, je l'enlève. Oh, voilà. Ok. Bon, donc... Alors, on commence par donc le thème de la nourriture gratuite. Ouais, moi je pense qu'on pourrait étendre le sujet à la nourriture libre, enfin la liberté de se nourrir. La liberté de se nourrir. Ou d'avoir le choix de ce qu'on va manger. Ça fait partie aussi des possibilités. Enfin, je dirais en premier lieu que c'est vraiment un thème extrêmement vaste, quoi. Mais qui en même temps me paraît indispensable dans la mesure, à aborder dans la mesure où... très souvent, quand on va parler de la question de la gratuité, bon, une des premières choses qu'on entend, c'est « Bah ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais comment vous faites pour vous nourrir ?» Donc là, ou alors, typiquement, quand on parle aussi de la question du non-travail, c'est « Ah ouais, mais il faut bien manger. » Donc voilà, allons au cœur du sujet. Ouais, c'est une question fondamentale. Fondamentalement. Voilà, alors on peut essayer de résoudre la question C'est le mouvement praniste, hein, c'est ça, qui essaie de manger... Non, qui ne mange pas du tout. Voilà, bon. Alors déjà, c'est une première piste. Là, c'est résolu. Il y a aussi la piste de la grève de la faim. Hein, dans... Enfin, tout ça pour dire que la question de la nourriture est évidemment des enjeux politiques. Très bien fort. Sûr, ouais, ouais, très fort, ouais. Ouais. On peut décrire la société comme un ensemble, enfin un système de rationnement ultra élaboré, quoi. Avec des rations d'entretien, de croissance, de travail, etc. Ouais. Rations de survie. Oui, oui, c'est sûr. Et même aussi. Rations de combat, rations. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Bon, on continue. On est sur nous. Voilà, bon, donc on en était, bah, je sais plus où on était du coup. Ça m'a mis en appétit tout ça. On en est à la question. Est-ce que Laure a quelque chose à dire ? Elle est-ce qu'elle est encore en ligne ? Oui, je suis encore en ligne. D'accord, ouais. Pour l'instant, je me laisse imprégner par le sujet. Donc. Je sais pas qu'est-ce que ça m'inspire. Ben, La première chose que ça m'inspire, c'est déjà de savoir quels sont les arbres qu'il y a autour de moi et où est-ce que je peux faire de la cueillette. C'est un des premiers accès directs à la nourriture. C'est justement lors d'une discussion avec Benjamin que j'ai réalisé, parce que moi je mange bio depuis des années, mais que des fois le bio peut rivaliser avec le... avec la gratuité du sauvage, parce qu'on focalise sur il faut labelliser, etc., mais on est encore sur de la terre qui se marchandise, où après que la carotte est poussée et pour ses 100 monnaies, après on lui met un chiffre et après on la vend. Et donc déjà, soi-même retrouver un lien à la connaissance de son entourage végétal, voire animal pour les plus chasseurs d'entre nous, ou pêcheurs, c'est déjà quelque chose qui, en tout cas dans ma propre vie, m'apporte de la nourriture gratuite. Après, il y a qu'est-ce qu'on entend par gratuit ou pas? Est-ce qu'on entend par non monétaire ou est-ce qu'on entend par non conditionnel? Il faut peut-être qu'on se mette d'accord sur ça aussi. Effectivement, enfin, c'est ça. Bon, après, d'ailleurs, sur le non-con, il y a aussi la question du libre accès, parce que si on est, par exemple, convié à un buffet gratuit, mais il faut payer l'entrée, on retombe un peu dans les mêmes logiques. Donc, et effectivement, la question de savoir si on. De toute façon, pour qu'il y ait enfin, on aura l'occasion d'en reparler dans le cadre des étincelles, mais on sera vraiment dans le cadre de discussion qu'on aura autour des étincelles et quand tu vas nous présenter le. Ouais, ça me fait penser à un exemple historique là aux États-Unis quand il y avait tout un tas de restaurateurs qui offraient la nourriture gratuite et qui se payaient sur les consommations en alcool, quoi. Bon, ça a dû s'arrêter avec la prohibition, je pense, et l'expérience n'a pas été... Ah d'accord, donc c'était une des raisons de la prohibition, c'était... je sais pas... Sauver le marché, le marché agricole, en fait. Mais c'est dans le livre que tu m'as prêté, là. Oui. L'économie du libre, ouais. Oui, il y a effectivement, alors, dans les modèles économiques qui peuvent se construire autour d'une nourriture... Bon. Ouais. Voilà. Autour de. C'est ça la vraie vie aussi. Autour d'une nourriture gratuite, il peut se poser la question de. D'une dimension payante et une dimension gratuite, quoi. Ouais. Et comment les deux vont réussir à interagir ensemble? Moi, en tout cas, l'idée du non conditionnel ou du conditionnel m'importe parce que par exemple là, samedi dernier j'étais au marché, j'ai massé la vendeuse de ma maraîchère favorite et un peu ma maraîchère favorite, et puis à la fin elle m'a donné des légumes, mais je ne me suis pas sentie obligée de masser, je ne sais pas si elle se sentait obligée de me donner des légumes, mais en tout cas il y avait un échange qui aurait pu être monétisé à un moment donné, mais qui l'a pas été, et j'ai été nourrie. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est de la nourriture gratuite ou pas? Je ne sais rien. Ouais, ça en est, ouais. Voilà. Après, c'est toute la question du troc. Est-ce que t'as ressenti ça comme étant un troc? Ou une forme de troc? Ou le mot te convient pas ou... Moi, je pense qu'il y a eu quelque chose, de l'ordre du troc, parce que, je m'attendais pas à ce qu'elle me donne quelque chose, même si régulièrement, comme on se connaît depuis des années, elle me fait des ristournes ou elle me file des trucs et tout ça. Mais là, j'ai senti qu'il y avait de son côté l'envie de me donner plus que d'habitude par rapport à ça, quoi. Donc mais j'ai l'impression que ça se passe tellement aussi dans l'esprit de la personne, dans quel état d'esprit elle donne et elle reçoit, Voilà. Oui, même si quelqu'un me donne de l'argent, moi j'appelle ça de l'argent gratuit. Et si après, avec cet argent gratuit, je me paye la nourriture, est-ce que ma nourriture a été gratuite ou pas? Ouais. Ouais, bah c'est la, il me semble que peut-être là où les choses vont basculer, c'est dans quand on est vraiment sur un contrat avec une obligation mutuelle de contrepartie, quoi. Mm-hmm. Avec un contrat qui peut être ou alors si c'est pas un contrat, ça se passe sous une forme de coercition qui est informelle mais qui est tangible, quoi. Mm-hmm. Mais c'est sûr que si on est... Alors oui, effectivement, à partir du moment où on a dit « Ouais, bah, si tu m'offres ça, je t'offre ça en échange », il y a un contrat oral, quoi. Mm-hmm. Mais ouais, donc c'est déjà... une première piste d'approche. Bon, pour préciser, aujourd'hui, on va aborder un peu différents thèmes possibles autour de la nourriture gratuite, et après peut-être au cours des prochaines émissions on reviendra plus précisément sur des thèmes précis, quoi. Enfin, c'était un peu ça l'idée, mais déjà on peut commencer à brasser effectivement. Bah, on a déjà commencé là. Ouais, carrément. Non, mais c'était pour dire que on peut aussi, quand on parle de nourriture gratuite, il y a aussi notamment la question quand tu parlais tout à l'heure de la cueillette, il y a la question des villes comestibles ou paysages comestibles, enfin je sais plus, il y a un terme consacré, il me semble. Les poubelles comestibles. Aussi, ouais, donc la question du friganisme. Donc tout un ensemble de pratiques ou d'espérances qui se sont mises en place pour se diriger vers une société où la nourriture n'est plus vraiment un problème, quoi. Où finalement l'abondance réelle de nourriture est manifeste partout sur la planète. Tout à fait. Et peut-être que c'est à travers ces biais-là qu'on peut, à travers ces pistes-là, je veux dire, qu'on peut essayer déjà de voir ce qui se fait. Comment ça peut s'améliorer. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, ça me fait penser, je crois que c'est ma mère me disait que ses parents, ils avaient toujours à table l'assiette du pauvre ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était un peu une tradition dans certains. Ah ouais. Et là, mon voisin sénégalais, il me disait qu'il y avait aussi l'idée que, voilà, on peut toujours rentrer dans une maison et de toute façon, c'est un plat commun et on peut s'asseoir et manger, quoi. Mm-hmm. Ah ouais, c'est l'idée de prévoir plus que pour soi. Et qu'il peut y avoir un imprévu, c'est peut-être aussi ça, c'est-à-dire que à force d'organiser les choses, de timer les choses, peut-être qu'il y a moins de place à l'imprévu, et du coup celui qui est là à l'improviste et qui est là de passage, etc., il était moins prévu dans le... Ouais, il est plus ressenti comme une gêne que... Oui, c'est ça, et du coup il devient peut-être le pique-assiette ou le voleur, alors que si on s'attendait à ce qu'il y ait quelqu'un qui passe, voilà, il est peut-être plutôt le compteur le compteur de l'imprévu à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que c'est une piste intéressante, cette idée d'incertitude qui à un moment donné et notamment aujourd'hui la nourriture est quand même canalisée, j'ai l'impression, dans des espaces qui lui sont dédiés, donc que ce soit la grande surface, les restaurants. Et finalement, on a presque du mal, et là, c'est plutôt un problème en termes de représentation, à s'imaginer que la nourriture puisse être en dehors de ces espaces clos, régulés, contrôlés. Ouais, bien sûr, dans certains endroits. Ouais. C'est... Parce qu'après, sur la disponibilité de la ressource gratuitement, on trouve dans la nature tout ce qu'on veut, quoi. Ouais. Sous une forme non transformée, mais... Mais je pense que c'est aussi lié à des imaginaires d'immaturité, de dépendance, parce que les moments où on est censé avoir de la nourriture gratuite, c'est quand on est enfant. Et puis après, on est censé prouver son mérite d'exister. Ouais, en gagnant sa pitance, ouais. En ayant travaillé, en ayant tiré un bénéfice monétaire de ce travail, puis en ayant acheté cette nourriture. Il y a un peu cette légitimité à exister qu'on doit prouver au travers de la nourriture, quoi. Mmh. Donc presque à la limite cette idée, cette représentation du manque serait pas une conséquence, quoi, du travail et non pas la cause du travail, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, mais une société évoluée devrait pouvoir fournir à chacun la possibilité de se nourrir, d'avoir un potentiel de productivité, quoi, au moins. De sortir, de pas être tombé dans la famine ou... Oui, après, il y a des ruptures de chaînes de transmission aussi, effectivement. Quand on n'a jamais vu faire un potager ou de la cueillette et qu'on a juste fait des études... Et qu'après, ils se posent la question de comment je vais me nourrir, et on ne connaît pas les plantes, et on ne connaît pas... Bah, du coup, c'est encore tout un capital culturel qui est à reconstruire, quoi. Mmh. Oui, d'autant qu'à ce niveau-là, des techniques qui permettent d'autoproduire, de se nourrir à partir de ce qu'on va trouver dans la nature... ce capital étant perdu, on se retrouve avec une flopée d'informations. Des fois, le problème n'est pas tant, pour le coup, la rareté de l'information, mais d'être capable de sélectionner celle qui va avoir qui va être pratique, utilisable facilement. Bon, on retomberait un peu dans ce cas-là dans la thématique du low-tech, là, en quelque sorte. Mm. Bon, bah, on va faire une pause musicale avec le groupe KanZ et le morceau s'appelle What's This World. À tout à l'heure. We'll be right back. Et on est de retour sur l'émission Entrée sans payer sur Radio Balade 101.8. Donc une émission où on parle de gratuité, de culture libre principalement, et après de choses et d'autres. Donc aujourd'hui on parle en particulier de la nourriture libre, du fait de se nourrir gratuitement et librement. Parce que donc librement, ça, c'est aussi un thème important. On y reviendra tout à l'heure, peut-être. On aura le temps d'en parler autour de la question de la nourriture libre au sens strict, à savoir par exemple tout le débat, les enjeux autour des semences libres ou encore du matériel libre qui peut être utilisé dans l'agriculture. Laure, t'es toujours avec nous? Oui. Oui. Voilà. Alors moi, ce dont on parlait, ça me rappelait, ça me faisait penser à une anecdote. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les films de zombies, en général, quand à un moment donné, les protagonistes qui sont poursuivis par les zombies, qui vont pas tarder à les rencontrer, se retrouvent toujours face au problème donc qui est commun à tout le monde de se nourrir gratuitement. Et là, premier réflexe. Ils vont dans un magasin, une épicerie ou un truc comme ça, et là, en général, ils se font attraper par des zombies, quoi. Ouais. Ouais. Donc, c'est pour dire que, voilà, on a quand même cette représentation qui est faussée, même là, parce que là, pour le coup, on est bien dans l'imaginaire. Bon, ok, c'est un petit peu distordu par les scénaristes hollywoodiens, mais on est dans cet imaginaire qui fait qu'on n'arrive plus à envisager la nourriture autrement que par le... Ou en tout cas, on a du mal à l'envisager. Voilà. En dehors d'un circuit commercial. Voilà, ouais. Ouais. Circuit commercial et industriel, en l'occurrence. Ouais. Parce que finalement, en général, c'est rare qu'ils laissent une pièce. Donc, quand ils vont dans l'épicerie, ils achètent plus. Là. Ils sont sortis du circuit. Mais comme si, finalement, la marchandise avait fini par phagocyter l'activité en elle-même, quoi. Bon, voilà. Ouais, ça, c'est... Après, il faut être bien aimé les films de zombies. Pour... Oh, c'est intéressant de voir. Et les zombies, d'ailleurs, qui cherchent de la nourriture gratuite aussi. Qui est l'être humain appétissant. Donc, on est quand même... Ouais. Y a... Dans le cannibalisme. Ouais. Ah oui. Oui, alors que c'est vrai qu'on pourrait se poser la question pourquoi les zombies n'iraient pas chasser des animaux sauvages, quoi. Alors ça, je sais pas, peut-être qu'ils le font parfois. Ouais, dans les films de zombies, non. Ouais, rarement, hein, ils préfèrent les humains, globalement. Ouais, globalement, ouais. Ouais. Et bon, enfin bref, ouais, c'est des questions... Sinon, il y a l'hostie à la messe aussi, c'est de la nourriture gratuite. Il y a quoi? L'hostie à la messe. Ah oui, tout à fait, ouais. Ouais. Non, ouais, j'étais en train de penser au fait que la nourriture gratuite, quelqu'un qui dirait « je me nourris gratuitement », la première pensée, ce serait qu'il serait dans les circuits de charité, en fait. Oui, oui, ouais. Tout à fait. Ouais, effectivement, la religion chrétienne, elle est basée sur des rites alimentaires, sur des miracles alimentaires. Jésus qui multiplie les pains, les poissons, la pêche miraculeuse. Mais alors, est-ce qu'on est... Oui, alors, tout à fait. Mais est-ce que, par rapport à ce que dit Laure, on est vraiment... est-ce que c'est vraiment la question? Est-ce que c'est pas quelque chose qui transcendrait un peu les cultures, cette idée de la peur, entre guillemets, d'être considéré comme étant un pauvre parce qu'on on rentre dans le système caritatif. Voilà, là, tout dépend aussi si on... Comment on fait? Il y a une des questions, un des enjeux, peut-être, politique aussi. C'est ça, la misère, quoi, en fait. C'est de ne pas pouvoir échanger, quoi. De ne pas pouvoir donner à son tour un contre-don, quoi, en fait. Il y a toujours un contre-don dans toutes les cultures... qui soit, quoi, ça peut être... Ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir le rapport à la nourriture gratuite pour un maraîcher, justement. Parce que le maraîcher, il a plus peur de ne pas avoir d'argent que de ne pas avoir de nourriture, je pense. mais du coup, ça serait... faudrait interviewer les maraîchers sur ça. Ils ne doivent pas avoir trop la peur de ne pas avoir à manger. Et eux, et eux, on ne se pose pas la question de est-ce qu'ils se nourrissent en payant ou pas. On, dans l'imaginaire, ils ont de toute façon toujours de quoi à manger. Ouais. Bah, ils doivent probablement manquer de certains produits. Hein. Enfin... Ouais, de, je pense de l'argent pour pouvoir... bah, ils doivent emprunter du de l'argent. Enfin, les maraîchers aujourd'hui, hein, dans certaines régions, c'est différent si vous allez en Afrique. Mais ils doivent emprunter pour acheter du matériel. Donc ils doivent payer des traites tous les mois, etc. Quoi. C'est des... Et comme ils ont un rapport, comme ils sont en interface directe avec la nature, quelle que soit leur technicité, ils ont des moments où la nourriture, il y a plus de nourriture que prévu, et des moments où il y a moins de nourriture que prévu. Et en tout cas, il y a des fois où il y a un surplus de nourriture, où je pense que comme ils sont aussi en lien avec d'autres gens qui produisent de la nourriture, je pense qu'ils peuvent avoir une grande partie de la nourriture qui est sous forme de troc ou en direct. Voilà. Ouais. Après. Bon, après, ça, c'est une sous-catégorie de la population. Sélectionner les... ouais. Après, on peut faire des conserves. Bon, voilà. Après, il y a un circuit artisanal ou industriel ou. Mais qui peut être coopératif, je sais pas, ouais, dans les coopératives, est-ce qu'il y a entre les adhérents des échanges monétaires, c'est plus une collaboration en fait. Ouais, alors, est-ce que tu penses par là, par exemple, aux épiceries collaboratives ou... Enfin, c'est ça, hein, les épiceries où on se met. Ouais, voilà, ouais, des groupements d'agriculteurs qui font. Ah oui, non plus des coopératives agricoles. Ouais, quoi. Ouais. Ouais, parce que là, on est dans le domaine agricole. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de d'échanges non marchands, quoi, dans ces coopératives. Enfin, bon, peut-être qu'il peut y avoir des dépannages occasionnels, mais. En tout cas, encore une fois, au marché dernier, j'ai vu la scène de celui qui apportait des fraises à celui qui vendait des œufs ou l'inverse. Enfin, vers la fin du marché, il y avait les marchands entre eux qui troquaient leurs marchandises, quoi. Ah d'accord. Mmh. Ouais. Mmh. Oui. Pourquoi pas, ouais. Bah ouais, bah c'est aussi ça montre quand même que. Qu'est-ce qu'on fait de le rapport est presque un peu inversé, parce que c'est-à-dire que le surplus finalement devient ce que t'as pas réussi à vendre, tandis que et donc ce que tu vas finalement donner ou troquer, ce que le marché n'a pas réussi à absorber, tandis que la logique inverse, on va dire, dans les sociétés dans des sociétés premières où l'idée c'est plus, je pense qu'on est plus dans des logiques où le marché, enfin l'autoproduction va finalement couvrir la majorité des besoins, et éventuellement il peut y avoir une part du surplus qui va être absorbée par le marché. Mais là on est sur une sorte d'inversion des finalités, hein, savoir que la nourriture est d'abord destinée au marché, enfin en tout cas la nourriture produite, voire autoproduite, quoi. Et est-ce que c'est pas, il faudrait pas tenter de sortir de ce circuit qui n'a plus j'ai l'impression déconnecté de l'abondance réelle de nourriture, quoi. C'est-à-dire la nourriture, on peut la produire facilement, il y en a aujourd'hui en pagaille comment faire pour redistribuer cette nourriture. Ouais. Voilà. Que chacun ait accès à la nourriture, ouais. Voilà, le marché... En quantité, en qualité, quoi. Ouais. Que le marché libère un peu toute cette nourriture qu'il accapare pour ses propres finalités, quoi. C'est ça qui permettrait peut-être de sortir de cette pénurie artificielle, quoi. Bon, après, c'est un programme très général, hein, on va dire. Mais sur la question aussi de l'abondance réelle et de l'abondance artificielle, donc induite par la propriété privée, ou on a le bon exemple, effectivement, dans les villes où aujourd'hui les arbres fruitiers, il n'y en a pas, quoi. Donc ça, c'est un truc, ça fait partie des combats qui étaient avancés dans les années 70, par exemple, par Moët Tessier, qui était un navigateur un peu hippie, pour aller vite. Et donc, il avait écrit un ou plusieurs textes, peut-être, pour qu'on réintroduise les arbres fruitiers dans les villes, quoi. Ouais. Alors, si on compte les villes, plus éventuellement le bord des routes... Bon, pour l'instant, c'est un peu... C'est un peu dangereux, les bords des routes. ouais. Bah, ça peut être adapté. Certaines routes, oui. Si tu sors d'Espéraza, là, tu vas à Fa, là, ou à Préfa, je crois, sur Rouvenac, là, il y a plein de cerisiers, par exemple, au bord de la route. Ouais. Mm-hmm. Bah, après, les gens s'arrêtent. Bon, voilà. Mais c'est pas une route qui est très fréquentée, quoi. Tu risques pas de provoquer un carambolage, quoi. Surtout que, bon, là, déjà, les platanes, leur existence est contestée, quoi, on va dire. Contestée, ouais. Ben, après... Par certains. Certaines. C'est vrai que le platane est quand même relativement improductif sur le plan alimentaire, quoi. Mm-hmm. Ouais. Éventuellement, on peut utiliser les feuilles, peut-être, pour faire... Je trouve qu'il y a peu de gens... Alors, qui cueillent, en fait, même dans les arbres déjà disponibles. Après, ouais, peut-être qu'il faudrait les cartographier. Mais bon, il y aurait peut-être une sur... Alors, il y a déjà ça. Répondre à ça, il y a déjà un... Alors, je crois qu'il y a deux gros projets de cartographie qui marchent, quoi. Hein, parce qu'après, il y en a d'autres. Mais il y a Falling Fruits, hein, normalement. Bon, désolé pour l'accent. Falling Fruits. Voilà. Ouais. En anglais. Ouais, c'est où ils répertorient alors aussi bien les zones de friganisme, donc pour où est-ce qu'on peut trouver des trucs dans les poubelles ou éventuellement des poubelles accessibles, parce qu'il y en a qui sont verrouillées. Tout à fait. Bah là, peut-être que les cartes sont pas toujours parfaitement à jour, mais globalement, je pense que c'est un outil vraiment. Fonctionnel et alors qui est collaboratif, la base de données est en libre accès, sous la forme d'une open data, on dit. C'est donc, bien de faire de la pub pour ça. Parce Falling Fruit. Il faut que des gens mettent des données dedans, quoi. Mm. C'est, Et même là, j'étais en Guadeloupe l'été dernier, je fréquente assez régulièrement la Guadeloupe et le quartier où je vais, qui est un quartier de campagne, quand je suis à la saison des mangues. Il y a plein de manguiers, les mangues sont par terre, quand tu tombes sur la route, les gens roulent dessus. Mais je suis la seule à revenir avec des sacs de mangues, quoi. Ouais, je pense qu'il y a d'autres personnes qui doivent en ramasser aussi. Mais ouais, c'est vrai. Ben, en tout cas, c'est l'abondance, quoi. Il y a une nourriture en abondance. Et, ouais, ils n'en font rien, ouais. Ils pourront faire de la confiture et de l'envoyer. Par exemple On peut envoyer des colis prépayés pour avoir de la nourriture semi-gratuite de Guadeloupe. Mm. Ouais, donc, vive la Guadeloupe. Ouais, c'est quand la saison des mangues? La dernière fois, c'était en juillet, il y en avait. Je crois qu'il y a deux saisons. Il y en a. Ouais. Ouais. Et puis après, ça dépend des arbres aussi. Des bananes, il y en a à peu près toute l'année. Ouais, j'ai un ami de Guadeloupe. Cerises acérola, pareil, des cerisiers acérola remplis. Ouais. Ouais, c'est sûr que sous les tropiques, ça peut devenir très vite abondant. Hein. Ouais. Bah, même ici, hein, je veux dire. Même ici. Oui, mais là-bas, c'est flagrant, quoi. Je pense que si tu habites dans la forêt congolaise, tu dois pouvoir aménager ça en un jardin, un truc. Mm. plus rien à faire. Après, tu cueilles, quoi. Bah, oui, et d'autant que ça donne... ça rappelle aussi un peu... Enfin, ça met en lumière, à mon avis, des travaux qui sont plutôt récents sur la question d'une agriculture qui était qui pendant longtemps était mélangée à de la cueillette et donc il y avait une intervention en fait sur le paysage enfin sur la nature en général donc c'est les travaux soit des archéologues soit des anthropologues qui mettent ça aujourd'hui en évidence et en fait des zones qu'on pensait vierges qu'on pensait enfin tout au moins non sans intervention humaine étaient en fait l'objet de d'une agriculture qui était en lien avec la cueillette quoi. Donc ouais, avec des formes non marchandes pour le coup de mais ça demande d'approvisionnement. Je pense que ça demande un entretien quoi. Enfin c'est des zones qui doivent être entretenues quoi. Bien sûr, ouais, oui. Comme un jardin quoi. En fait les oasis, c'est ça. S'il y a personne dans l'oasis, c'est fini quoi. Tu vas pas. D'accord, ouais. Tu vas pas trouver des dates à profusion, etc. Mais si les gens s'en occupent... Mais ça peut être, à la limite, une occupation qui est pas de l'ordre du travail, quoi. Ça oui. Peut être, Enfin, oui, c'est... Oui, c'est pas un... C'est comme la cueillette, quoi. Il faut y être, quoi. Ouais. Il faut y être. Mais il y a quand même un aménagement de terrain à faire, quoi. Un jardinage, je pense. Ouais. C'est comme la permaculture, ce que les gens qui font de la permaculture, ils essayent de créer des conditions où tu limites le travail en fait à force quoi. Ouais, à force, ouais. Parce que quand même la. À force, ouais, c'est ça. À force. Et ouais. Et aussi, tu l'intègres dans un système plus vaste, dans lequel l'être humain est le social quoi, hein, pas seulement l'être humain isolé. Et entre dans tout l'écosystème quoi sans que ça soit dans une vision trop schématique à savoir ou marchande par exemple à savoir bon bah je mets tant d'intrants il y a un agriculteur avec un tracteur et tout ce qui est tous les extrants sont après revendus ou ce qui l'est pas est jeté ou voilà, là, tout doit être pris en compte et on pense l'organisation sociale derrière, quoi. Enfin, il me semble que dans la permaculture, il y a vraiment cette dimension-là. C'est pas seulement une technique agricole, quoi. Enfin, tout au moins, les fondateurs s'en défendent. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, ouais. Bon. On peut le voir comme ça. Oui, après, oui, les six... On parle du lien entre les systèmes agricoles et les systèmes de société, c'est ça, non? Ou... Bah, j'ai l'impression que, ouais, on en est un peu là. Ouais. Et puis aussi, bah... Ouais, c'est ça qu'on appelle une révolution culturelle. Ouais. Et oui, mais pourquoi pas, je veux dire... est-ce qu'on peut... Est-ce que la... On n'est que sur une problématique technique comme celle qui est présentée par les agronomes ou enfin les agronomes un peu à l'ancienne on va dire ou par les vendeurs de tracteurs ou de produits chimiques ou est-ce qu'au contraire on est il faut pas réintégrer la question dans une dimension plus vaste effectivement, la question de si on plante des fruitiers le long des routes, par exemple, probablement il faut penser derrière et quel type de pratiques vont se mettre en place. Comme tu disais tout à l'heure, bah, le truc évident, c'est effectivement les voitures vont s'arrêter n'importe où et provoquer des accidents. Mais cela dit, elles vont peut-être ralentir la circulation. Ouais, faire des ralentisseurs naturels, quoi, enfin saisonniers. Ouais. Alors, les voitures qui s'arrêtent un peu partout dans certains pays. Ça peut mettre une animation. Ouais, voilà. Après, c'est peut-être repenser, aller un peu plus loin et se dire. Ouais. Voilà. Un rassemblement citoyen pour ramasser les fruits, quoi. Par exemple. Ceux qui veulent, pratiquer les plaisirs de la cueillette. Ouais. Ouais, parce que c'est un plaisir la cueillette aussi, effectivement, comme, la, comme certains pratiquent la chasse ou la pêche par plaisir, quoi. Il y en a qui pêchent et qui rejettent le poisson à l'eau, hein. Ah bah oui, il suffit de voir le nombre de personnes, par exemple, en bord de mer pour la pêche à pied, ouais. Quand c'est les grands coefficients, enfin sur la côte atlantique. Je veux dire, on... c'est ouais. évidemment, c'est pour le plaisir de le faire, quoi. Mmh. Peut-être aussi de manger, mais... Entre parenthèses, oui, c'est vrai que l'espace côtier, c'est une zone où on peut pêcher librement. Tout à fait, ouais. Entre certaines limites, mais... Oui, de quantité, ouais. Ouais, ouais, mais on n'est pas... Il est en libre accès, en tout cas. Ouais. Ouais. Il y a une limite de quantité qui est imposée. Alors, en ce qui concerne la pêche à pied, bon, je sais pas, peut-être que ça dépend des départements ou... Mais c'est une... Je veux dire, la question de l'abondance des fruits de mer en bord de mer, de l'abondance réelle, je veux dire, elle se pose pas. Quand ouais. on achète des huîtres et qu'on habite en bord de mer, c'est qu'il y a un problème, quoi. C'est... Enfin, un problème où, je sais pas, peut-être qu'on n'a pas envie d'aller les pêcher. On a peur de l'eau. Ben. Oui, voilà. Oui, après des crabes. Même si on n'a pas envie d'aller soi-même les pêcher... On peut avoir un entourage qui a eu envie de les pêcher et qui nous les redistribue. Ouais, exactement. Si, ouais. si on n'a ni un accès direct ni un accès indirect, c'est que soit c'est de l'isolement social, soit c'est, soit c'est de la flemme, je ne sais pas. Ou, de, ou je ne sais pas, de la dépression. Bon, on va refaire une pause musicale. Et juste après, Laure, tu vas nous parler des étincelles. D'accord. Voilà. Comme ça, on va entrer au cœur de la question des systèmes d'échange alternatifs qui pourraient peut-être aussi nous qui apportent des solutions, quoi. Mmh. Et bien, c'est parti. On s'écoute le morceau La Tentative du groupe FBK. Oh, j'ai c'est quoi? C'est gros trip, c'est ça? Ok, ok. Alors, bon, bon. Figurez-vous qu'on sens, figurez qu'on en sens, peu pro. Mes valeurs me collent à la peau. Et même avec un lavage de cerveau, je se fais le mat et ma peau. Me rappellera mes apologies. Logique, manière radicale comme un logis magique. Le jour au cours d'un accident, je déplace ma carabine. Ah, une balle dans la tête, faudra me loger. Sans décoder sans signe, je persiste et signe. L'être humain a décrit avec les mêmes mains, la même farine. C'est à la cuisson que tout s'améliore, que tout s'abîme. Dans les plus sombres des ténèbres ou les plus profonds font des abîmes, je ne sais pas quel démon influence la vermine, qui contrôle les tribunes, il est victime, dans la gestion du mal et du bien, le premier titulaire, le second à tirer, remonter la bobine, la bande a dû craquer largement, au début du film, ce genre de long métrage, où décapitation et carnage prime, sur le scénario et son art. Ready my game, hey. C'est une tentative, des gros trips. Des gros simplement dans le délire, j'm'invite. La. C'est une tentative, des gros trips. Des gros, y'en a sous le capot, crois pas que je flippe. Non. Fire, big fire, hey. Le mal et le bien, et ça c'est me coupe comme on en connaît plein. Sauf que là, la mort et sa faux est leur seul point commun. Une connaissance de très longue date qui leur rend bien. Cette vieille branche solide et dévouée fait tourner leur business grassement. On va même dire carrément, elle travaille pour le plaisir gratuitement. Elle ne répond à aucun ordre, elle a ses propres opinions, son propre jugement. Je crois même qu'elle fonctionne à l'instinct, parfois l'aveuglette du genre. Allez, sans les yeux, je regarde pas. Trois enfants noirs sous les roues d'un bus blanc. C'est bon, je vois. Non, franchement, qui décide qui doit partir, qui doit rester, vu que les meilleurs partent en premier et que les pourris cumulent, font des pas, sont plantés très loin de la ligne d'arrivée. J'ai jamais pigé pourquoi tous ces traqueurs de violeurs, pyromanes, tabasseurs de femmes, sodomisateurs de jeunes âmes, nazis en hooligan, devraient patienter. Comme si un matin on avait décrété qu'on attaquerait par le plus facile et qu'on traiterait le plus dur en dernier. Dans ce soi-disant spirituel tribunal, pour moi les places assises sont remplies de feignasses, et ça je peux le jurer, la main droite très haut levée, comme dans un concert de thé. Les sceptiques peuvent aiguiser leurs instruments, ma deuxième paluche attend d'être coupée sèchement. La première servant à jurer, oh, pas toucher, elle me servira toujours à coucher mes pensées torturées sur papier, à tenir le micro pour les expulser de ma voix éraillée. Bon, là, s'il fallait synthétiser ma tentative d'écotrip a échoué, je suis navré. Désolé, ma foi, je suis navré. C'est une tentative d'écotrip. Sans le faire exprès, j'ai craqué mon slip. Frère et mozo. Et de retour sur l'émission Entrée sans payer sur Radio Balade 101.8. Donc, on a parlé jusqu'ici de nourriture gratuite et on a vu que ça soulève quand même plein de questions, notamment sur la façon dont on s'échange la nourriture. Et donc, pour en balor, tu développes de ton côté des systèmes d'échange alternatifs. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire un peu comment t'es arrivé, tu nous entends là, c'est bon? Oui, ok, bon, d'accord. Nous en parler et nous dire donc comment t'en es arrivé là, comment t'as développé ça, on t'écoute. D'accord. Alors, par où prendre les choses? Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, j'ai arrêté de travailler. Donc, mon métier de formation, c'est psychomotricienne. Et la chose qui m'a fait sortir des rails de l'exercice officiel de la psychomotricité, c'est la première réflexion, c'est le rapport entre le soignant et le soigné. C'est-à-dire, donc j'étais dans la position de la soignante. Sauf que dans mon ressenti, quand je pouvais dire qu'il y avait quelque chose qui aurait pu être de l'ordre de la guérison, on va dire, je ne pouvais pas définir de sens de directionnel de qui est soigné, qui soigne, qui a reçu, qui a donné. Donc dans un premier temps, j'étais un peu sans m'être penchée sur les fonctionnements économiques. J'étais un peu dans ce no man's land de bon, bah, il existe le troc et la gratuité, comment on va faire avec tout ça. Donc j'avais même imaginé des trucs où j'aurais pu reprendre des séances de psychomotricité avec une espèce de jeu de hasard où on désigne à ce moment-là qui donne et qui reçoit. Voilà. Ouais. Et puis après quelques années comme ça, j'étais encore en Guadeloupe et puis il y avait une amie maraîchère encore pour le coup qui voulait transformer son entreprise en entreprise d'insertion et qui avait fait appel à moi parce que elle connaissait un peu mon esprit de synthèse pour voir comment l'aider dans ça. Et puis comme j'étais pas capable d'imaginer une forme d'entreprise avec profit monétaire, je me suis renseignée un peu sur ce qui existait à droite à gauche, de clubs d'investisseurs, de tontines, etc. Et j'ai imaginé une façon de mettre en lien les gens qu'on a expérimenté d'abord en Guadeloupe, puis après en France. Donc le processus, il s'inspire de la tontine, sauf qu'il est... il est en un moment T, c'est plusieurs tours de parole. Alors le premier moment, il y a entre 2 et 5 personnes maximum par d'expérience. Et puis on prend simplement un temps pour lister l'ensemble des de nos aspirations, besoins, envies, en décloisonnant complètement le professionnel du personnel, le superficiel du profond, l'immédiat du long terme, etc. Donc on est on se considère chacun comme un être humain sur Terre et ayant tout un tas d'envies, de choses à faire, etc. Et donc déjà, prendre le temps de faire cette liste, c'est quelque chose qui est assez rare. Ensuite, de le faire en plus en présence d'autres personnes, il y a quelque chose de stimulant quand on est en silence les uns avec les autres. Et puis après, il y a un premier tour de parole où sans s'interrompre, chacun dit tout ou partie de sa liste aux autres. Et après un deuxième tour où pour chaque personne tous les autres qui ont noté et entendu ce qui a été dit disent ce qu'elles ont envie et possibilité de lui apporter et donc là on est libre de donner ou libre de recevoir et après en fonction de ce que chacun a contractualisé oralement avec les uns et les autres, on détermine est-ce qu'on se sent bien avec ça ou pas. Et après, on prend les agendas, les téléphones, et on se dit bon, ben, à quel moment on va faire ci, ça. Et parmi les choses clés de ce processus-là, il y a la première chose, c'est que on se rencontre entre êtres humains sans savoir à l'avance ce qu'on va s'apporter. Donc là, c'est pas parce que je veux une chaise que par hasard je rencontre quelqu'un sur le bon coin qui a une chaise à donner. Donc c'est d'abord, on est des êtres humains ensemble et puis on suppose qu'il y a des choses à partager. Et après, le gros déclic aussi pour moi, c'était de me dire que ce qu'on essaye de faire au travers de la comptabilisation des échanges en temps et en argent, c'est qu'on essaye d'obtenir un sentiment d'équité, mais que la comptabilisation, c'est qu'une des formes d'accession à ce sentiment d'équité, et que ce sentiment d'équité, il est en fait éminemment émotionnel, psychologique et que dans un partage entre deux personnes, les deux peuvent sentir qu'elles ont reçu, ou les deux peuvent sentir qu'elles ont donné, ou l'un qui a donné, l'autre qui a reçu, et qu'en plus ça peut évoluer au cours du temps. Donc là, l'idée, c'est de remettre la responsabilité de ce sentiment de justesse dans l'échange à l'échelle individuelle. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Super. Et alors, ça fonctionne ? Eh ben oui, la première fois que j'ai imaginé ça, j'ai réuni un peu les amis et les amis des amis pour dire ben, est-ce que ça vous dit qu'on essaye sur 3 mois ? Ouais. Et puis du coup, ils ont été d'accord pour se lancer. Donc là, on était beaucoup plus, je crois qu'on n'était pas loin de 10, un truc comme ça. Ouais. Et sauf que moi je devais repartir de Guadeloupe, donc du coup j'ai pas pu rester, donc j'ai lancé le truc et après j'ai suivi à distance. Et je suis revenue un an après pour voir ce qu'il en avait été. Ouais. Donc c'est que ça a fait beaucoup des coups de main tournants, donc il y a eu l'essentiel du groupe qui allait tailler un terrain pour l'un, déménager un appart pour l'autre. Aider à construire un truc d'aquaponie pour le troisième. D'accord, voilà. Ouais. Plutôt des coups de main, ouais. Ah ouais. Voilà, et des échanges 2 à 2 aussi. Que le contenu des échanges a beaucoup évolué au cours du temps. Que actuellement, il y a des gens qui ont des relations solides entre eux et qui sont nés à ce moment-là, parce que en fait, pour moi, l'idée des étincelles, c'est de ritualiser et de mettre en lumière ce qui se passe de manière informelle entre tous les êtres humains, de manière générale. Et quelque part, ça est-ce que ça devrait ne pas exister ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, On en a d'autant plus besoin que ça, qu'on l'a déjà pris, mais au plus, c'est une seconde peau, au moins on en a besoin quelque part. C'est-à-dire, si on a l'habitude de se préoccuper des besoins des uns des autres, on n'a pas forcément besoin de le ritualiser, mais le fait de le vivre à un moment donné et de voir tout ce que ça dégage comme, ouais, comme richesse, ça permet de rendre la chose visible, quoi. Et après, une des choses qui m'avait marqué par rapport à cette première expérience, c'est quand j'étais revenue, on avait fait un petit bilan et j'avais remarqué qu'il y avait plusieurs profils. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui trouvaient qu'elles avaient trop donné et pas assez reçu, des personnes qui trouvaient qu'elles avaient trop reçu et pas assez donné, et des personnes qui trouvaient que c'était à peu près kiff-kiff, quoi. Ouais, donc ça s'équilibre. Voilà, mais que pour moi, ça tenait pas tellement en fait au contenu des échanges, que comme je connaissais les personnes depuis des années, je pense qu'à n'importe quel mot, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est assez robuste. J'ai l'impression que c'est un peu attaché à la personnalité des gens, de soit d'être dans ce sentiment, ouais, de créancier ou d'endetté ou. Mmh. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Voilà, comment on lit en fait ce qui se passe dans notre vie et après comment on lit suscite tel ou tel, induit aussi différentes choses qui s'y passent, mais voilà, un même événement peut être lu comme ayant apporté ou ayant pris en fait. Parce qu'il y a des gens donc qui sont plutôt trop généreux et d'autres trop avares. Et ils se rencontrent là-dedans. Et comme des couples. Alors, ouais, peut-être qu'il y a ça. Bah oui, parce que s'il y a quelqu'un qui a le sentiment de trop donner, il y a quelqu'un qui va avoir le sentiment de trop recevoir, quelque part. Et bien justement, c'est pas toujours symétrique. C'est pas toujours symétrique. C'est pas forcément dans ces... C'est pas celui qui a eu le sentiment de trop donner. D'accord. Qui a trop donné, c'est intéressant. À celui qui a... Non, moi j'ai... Ouais. Donc ouais, c'est quelque chose de très subjectif. Alors oui. C'est... Ouais. Ouais. Après, enfin, il y a un côté subjectif, en tout cas. Ouais. Ouais. Et après, du coup, pendant quelques temps, ça n'a pas repris en France. Je tombais sur des gens plus ou moins intéressés, mais beaucoup, beaucoup trop occupés pour libérer du temps dans leur vie. Et puis finalement, ça a été via une association, l'association Solidée, qui a fonctionné quelques années et à laquelle j'ai participé à la fois via les étincelles et via les apéros co-créatifs qu'ils faisaient, donc c'est sur personnel. Donc là, via ce cadre aussi, encore une fois, identifié d'une association autour de la transition professionnelle, là, j'ai relancé les groupes. En tout, moi, j'ai une expérience d'une cinquantaine de groupes, je crois. Et puis il y a quelques personnes qui en ont fait sans moi ou à côté de moi, c'est-à-dire que à un moment donné j'ai fait ça dans une couveuse d'économie sociale et solidaire, donc à deux années de suite on était avec deux autres comparses à animer trois étincelles qui étaient en partie pour les porteurs de projets sur leurs besoins autour de la profession et en partie sur leurs besoins à titre personnel. Bon, voilà. Bah ça donne très envie. Laure, est-ce que tu veux comment est-ce qu'on peut te joindre pour que tu organises une étincelle? Est-ce que tu es disponible pour ça maintenant que tu nous as expliqué le principe, c'est... Et d'ailleurs, j'en avais fait une vers Limoux, donc s'il le faut, il y a des gens qui m'écoutent et qui en ont fait une. C'était à Limoux d'ailleurs qu'on en avait fait une à 10 personnes et on s'était rendu compte que c'était trop, quoi, parce qu'on faisait des pauses tous les 3 quarts d'heure. Ouais. Un peu. Mais mon fils avait participé aussi d'ailleurs. Ok. Comment on peut me joindre alors du coup, avant, c'était via l'association. Ouais. Je ne saurais pas quoi dire. J'ai pas trop envie de donner. Bon, ouais, c'est normal. Bon, de toute façon, on va terminer parce que c'est l'heure. Et on termine sur un morceau de... PUK, on termine l'émission telle quelle. D'accord. Voilà. Et puis, ben, Laure, merci d'être venue et j'espère que tu pourras venir dans des prochaines émissions parce que cette discussion était vraiment super intéressante. Et ben, on se retrouve bientôt le mois prochain pour un nouvel épisode de l'émission Entrée sans payer. À très bientôt. À bientôt. Ok, bye.